Bonjour à tous et bienvenue dans On s'écoute ça tout de suite, on rempile pour une saison 2 et je dis car je suis encore et toujours avec lui. Hein. Si j'étais Christophe de Chavannes, il serait mon Patrice Carmouze ou inversement, hein, je sais pas. T'aurais pu dire le chien de Christophe de Chavannes. Bonjour Noé, comment ça va? Bonjour. Allez, top là. Hop, ça c'était nul. Tu vas bien? Très bien, je suis tellement content de vous revoir. Est-ce que t'es content de reprendre pour cette saison 2? Bah ouais, on a eu plein de beaux retours de la saison 1 en plus. Plein de retours. Alors avant de faire le blabla d'introduction habituel, on va présenter notre invité, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Alors, il est en quelque sorte le parrain de la nouvelle saison, on va dire ça comme ça, désolé de te foutre la pression. Bonjour Luc. Bonjour. Comment ça va? Très bien, très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Je m'appelle Luc, je bosse au Fox & Friends. C'est le pub irlandais, on va dire, normalement international, mais bon. Ouais. C'est connu comme ça et voilà, j'aime bien mettre la musique, la playlist, certaines playlists. Parce que nous, le Fox & Friends, c'est un endroit où on va souvent et il y a toujours de la très bonne musique. Et oui, comme tu mets ta playlist, on s'est dit que ce serait bien que tu viennes et puis tu c'est es gentil. Là. Tu as voilà. Accepté ça gentiment. Fait plaisir. Et donc, plaisir. Bien évidemment, tu fais comme chez toi, hein, tu peux prendre la parole, tu peux nous couper la parole surtout quand tu veux. Quand on parle trop longtemps. Aussi, je pense. Alors, comme on revient après une longue pause, parce qu'on a eu les vacances et tout, c'était bien tes vacances, Noé? J'ai travaillé tout l'été, ouais, hein, au Super aussi, U. Super U, toi aussi. Les auditeurs de la Cour des Miracles le savent. Ouais, bah Super U, voilà. T'as eu des vacances? Quelques-unes vite fait. Ouais. J'étais en Thaïlande une semaine. Oh, c'est bien. Ouais, c'était la première fois en dehors de l'Europe, donc c'était vraiment, vraiment cool. Vraiment un changement de la vie quotidienne de l'Europe, c'est un vraiment changement. Mais... Juste, toi, tu es irlandais d'origine, hein, juste ouais, pour c'est ça. Et ça fait combien de temps que tu es en France? Ça fait 4 ans et demi. 4 ans? Ouais. Et tu parlais déjà français avant ou pas? En fait, mon père était cycliste, donc il est entraîné en France, et du coup, il est tombé amoureux de la Bretagne déjà. Et... La Bretagne, c'est le meilleur pays du monde. Oui, c'est clair, c'est clair. Non, je suis vraiment d'accord. Alors, où on était à jour, on a pas mal de choses à dire en introduction. Nouveau matériel. Bon, nouveau matériel, bon, une carte son d'une qualité son, incroyable. 350 boules hein, quand même. Voilà. Quand tu te la racontes. Bref, voilà, donc avec des petits amplis casse, donc c'est plus confortable pour nous. On a eu pas mal de retours sur Twitter aussi. Ouais, on a Laurent, on peut lui faire une dédicace. Mais Laurent, il a une réputation que je te dise, c'est un auditeur sur Twitter qui nous écoute. Laurent Doucet, il a une réputation de pic assiette du podcast. Hein, mais j'ai déjà entendu parler de Laurent Doucet, mais bon, il nous écoute aux États-Unis. Et puis, on s'est déjà fait plagier l'émission, alors je pense qu'il peut nous arriver de pire. Vas-y, parle-en. Alors, petit message à toi, Cornelius. J'en veux. J'en veux, Cornelius. non, mais bon courage à toi. Tu as repris notre concept de podcast et en même temps, on a repris ce concept à plein de gens sur France Inter, sur plein de radios. Du coup, voilà, ça nous a bien fait rire quand tu nous as dit ça. On n'est pas revanchard. Non, on n'est pas revanchard pour un sou. Et bon courage à toi. Et ton podcast était très bien, d'ailleurs, j'ai écouté. Et oui, Cornelius, il a lancé sa playlist. On a eu Cobal, le Milou, enfin plein de gens sur Twitter. Hein. Ça fait bizarre d'avoir des gens qui nous suivent sur Twitter comme ça. Et ça fait chaud au cœur. Oh, ça fait cool aussi. Alors, petit message personnel, je dois le faire, je lui ai promis. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma maman. Aujourd'hui, elle a. Donc, et comme elle écoute l'émission. Très bien. Je souhaite un bon anniversaire à ma maman chérie. Bon anniversaire. Merci. Bon, on va pouvoir y aller. Hein. Quel est le thème d'aujourd'hui, Noé, si tant est qu'il y a un thème? Eh bien, en fait, vous le savez maintenant, dès qu'on a un invité, c'est thème open bar. Et super. Du coup, chacun choisit. Justement, ça tombe à point. Chacun choisit sa boisson et sa musique. Excellent. Donc voilà, pas de thème principal, mais que du bon son dans vos oreilles. J'ai l'impression d'être un animateur de Skyrock. Excellent. Donc voilà, qui attaque aujourd'hui? Alors, on a 5 morceaux par personne. Ouais, ça n'a pas été trop dur de choisir, Luc? Si, quand même. C'est j'avais commencé avec 10 et j'ai pensé que j'avais pas fini. Donc pour diminuer en 5, c'était assez... T'inquiète pas, assez nous aussi, c'est une torture à chaque fois. Ouais, j'imagine. Bon, on va y aller, de toute façon, parce qu'on a déjà bien blablaté. Qui attaque? C'est toi, Noé. Allez, j'attaque. Je reprends. Premier morceau de la saison 2, c'est un honneur. Vous avez parlé de Johnny Thunders hein, dans la saison 1, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un précédent épisode Open Bar. Eh bien, figurez-vous qu'avant de faire ses petites affaires en solo, hein, il faisait partie du groupe de rock'n'roll le plus dangereux des 70s. de New York Dolls. Et pour ceux qui l'ignoraient, voici Trash des Dolls. On s'écoute ça tout de suite. Choisi Trash, hein, comme j'aurais pu choisir Personality Crisis ou n'importe quel titre des deux premiers albums des Dolls, un peu comme les Stooges et les MC5, et j'ai l'impression de déjà avoir fait cette chronique, oui, puisque j'ai déjà dit exactement la même chose, ils sont considérés comme les parrains du punk. Malcolm McLaren, d'ailleurs, hein, le futur manager des Sex Pistols, va d'ailleurs s'occuper d'eux un temps en essayant de relancer leur carrière, parce que c'était un peu en berne, hein, en 75, 74, oui. 75. Il les a fait s'habiller tout en cuir rouge, hein, une espèce de lubie qu'il a eu, mais ça n'a pas marché. Et Johnny Thunder, le guitariste, et Jerry Nolan, hein, se cassent. Mais ça, vous le savez déjà, puisque vous nous écoutez souvent. Malcolm, lui, va rentrer à Londres, hein, et monter le premier boys band du punk, les Sex Pistols. Ah, oui. Dans la série Vinyl, je ne sais pas si vous avez vu ou entendu parler de cette série, de Martin Vinyl, Scorsese, ouais. Et Mick Jagger. Ça fait qu'une saison, malheureusement. Ouais, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Il y a une scène en fait où on voit les Dolls. D'ailleurs, j'ai vu un article sur le Huffington Post où les gens demandaient mais c'est quoi le groupe là qui joue trop bien. Les gens savaient pas que c'était le New York Dolls. Quel affront. Et en fait, ils jouent dans une salle de concert qui s'effondre sur eux en fait pendant qu'ils sont en train de jouer Personality Crisis. Et la vraie histoire, c'est que les Dolls étaient bien en résidence dans cette salle là à l'époque. Et ils ont joué une dizaine de shows entre 71 et 72. Et en fait, le bâtiment ne s'est pas effondré pendant leur show, mais après leur show. Exact. Oh, c'est horrible ce que tu dis là. C'est un des plus graves accidents du sport français. Ça va être à toi, Luc. Ah, c'est. Ouais, c'est mon chanson. Cool. Eh ouais. Du coup, la chanson que j'ai choisie pour le premier, c'est Can't Get Enough by the Infidels. Ah non, c'est la playlist. C'est Hopeless Wanderer. C'est pas grave. Ah non, mais c'est moi qui ai mis le même ordre que j'ai eu sur le. Tu peux reprendre, vas-y, tu peux reprendre en disant que c'était au Costa Rica. S'il y a pas de soucis. Après, je connais beaucoup plus sur les Mofavansons. Ils sont de Londres aussi. Et eux, ils sont toujours en train de jouer. Ils ont 4 albums déjà, je crois. Ouais. Et même sur chaque album, ils sortent 4 ou 5 titres, ce qui est assez beaucoup pour des albums, souvent. Ouais. Et ils deviennent très, très connus dans l'Europe, mais surtout Irlande, Angleterre, Écosse. C'est vrai que moi, j'étais abonné au NME et on trouvait tout le temps, ils faisaient tout le temps des couvertures sur Mumford & Sons. Ouais, assez souvent. C'est juste, ça bouge beaucoup. C'est un peu dans le fait dans le même genre de fest-noz, si tu veux, avec beaucoup d'instruments différents et tout. Et voilà. Il faut quand même qu'on l'écoute, la chanson. Donc, on va s'écouter. On s'écoute ça tout de suite. Attention. On s'écoute ça tout de suite. Ah, voilà. J'apprends. Ah, ouais, c'est vrai. Heard my voice. I came out of the woods by choice. The shelter also gave them shade. But in the dark, I have no name. So leave that click in my head. And I will remember the words that you said. Left a cloud in mind and a heavy heart. But I was sure we could see a new start. So when your hope's on fire, but you know you're desire, don't hold a glass over the flame. Don't let your heart grow cold. I will call you by name. I will share your Alors, ouais, genre ça c'est c'était le Mumford & Sons, Hopeless Wanderer. Donc j'ai choisi celui-là vite fait parce que bah, cet été-là, j'ai passé beaucoup de temps d'ailleurs, en Thaïlande, à Londres et aussi en Espagne. Donc Hopeless Wanderer, ça veut dire quelqu'un qui balade beaucoup, ouais. Un peu avec pas un certain chemin. Ouais. Donc c'est ce que j'ai pensé de mon été. Et après, c'est un groupe de rock qui est formé en 2007. Les tous viennent de Londres. Et c'est devient très très très connu dans les dernières 4 ans et c'est super. Ça a bien tourné. Tu les as déjà vus en concert ou pas? Ah non, jamais. Je veux très bien les voir en concert. C'est vrai qu'ils passent pas en France souvent. J'imagine pas. C'est juste le genre de musique, c'est un peu spécial pour les îles britanniques. Ouais, pour les anglophones. Pour voilà, la musique qu'on connaît beaucoup là-bas. Et du coup, peut-être un jour. On sait jamais. Ouais. Je pense, dans un festival. Ouais. Et du coup, ça va être à moi. Et oui, il faut que je continue. J'ai choisi un petit titre de Muse, hein, parce que c'est toujours bien. Moi, j'aime bien Muse. Prise de position. Donc, j'ai choisi. Oui, moi, je suis quelqu'un d'engagé. J'ai pris du Muse et un morceau du premier album, un Showbiz. Très bien. C'est un morceau qui s'appelle Sunburn. Et on s'écoute ça tout de suite. I'm not afraid to die. Ah bah moi j'aime vraiment le Muse des débuts, hein, franchement. J'avoue que les derniers albums c'est moins ma tasse de thé. Toi, on en avait parlé d'ailleurs. Toi, t'aimes bien les derniers albums, je crois. Oui, oui, bah j'aime tout en fait. Bah, ouais. Le problème c'est que, ouais, ils ont changé, mais. Et moi j'ai pas aimé ce changement. Ouais, ouais, ouais, je vois, mais. En même temps, c'est dur pour les groupes, je trouve, pour changer un tout petit peu pour les nouveaux. Genre les gens à 16-17 ans qui n'ont pas trop aimé Muse avant parce qu'ils n'ont pas connu, et du coup, pour avoir des trucs nouveaux pour eux, dans l'époque là, c'est difficile. Bah, moi au collège, tu vois, les premiers albums, j'écoutais que ça. Et le premier album, Shobby, est sorti en 99, j'avais 8 ans. Et moi, au 99, j'ai eu la morvenée comme ça. Bah, et toi, je me demandais ce que ma mère me donnait. T'avais quel âge, toi? J'avais 4 ans. Ah, bah, ta gueule. C'était quelle année le premier album? 99. Ah putain, ok, j'avais 12-13 ans. Et donc l'album il a pas trop mal marché, mais il y a eu pas mal de critiques parce qu'on leur a reproché de plagier Radiohead en fait. Et donc j'ai fait mes petites recherches, hein. Et c'est pas étonnant parce que le producteur de Showbiz, de Muse, c'est John Leckie. Et John Leckie, il a produit The Bands de Radiohead. The Bands. The Bands, ouais, ouais, ouais. Non, mais tu le dis très bien, sauf The, parce que c'est pas The, c'est The. Ah oui, voilà. The, c'est pour faire des omelettes. Merci, mais dis donc, t'as mangé Jean Rocasse ou quoi? Alors, donc c'est pas mon album préféré, mais moi j'aime bien la variété de sons qu'il y a. Et en fait, quand il est arrivé en studio, ils avaient déjà une cinquantaine, enfin pour le premier album, ils avaient déjà une cinquantaine de morceaux qui étaient déjà écrits, donc ils ont dû couper à la hache, quoi, pour en choisir qu'une dizaine. Et du temps où Muse ne s'appelait pas Muse, mais, est-ce que vous savez, l'ancien nom de Muse. Ah, mais si, j'ai entendu déjà. Rocket Baby Dolls. Ah, c'est ça. J'ai jamais entendu. Alors, qu'est-ce que c'est ? Mais j'aurais jamais percé avec un nom comme ça. Bah, justement, alors qu'est-ce que c'est Rocket Baby Dolls ? J'ai cherché qu'est-ce que c'est. C'est un vieux film porno japonais des années 90. Ah, bah. Donc, j'ai la cassette. J'ai la cassette et on va se regarder ça juste après l'émission. De... Excellent. On regardera ça après l'émission. Ça marche. Ok, ok. Alors, moi, un peu de douceur après toute cette. Avalanche de testostérone. On va enchaîner avec un groupe américain, un autre groupe américain, parce que c'était les New York Dolls avant qu'on écoutait. Les Sonic Youth et leur tube Superstar. On s'écoute ça tout de suite. Don't you remember you told me? c'est un titre qui a aussi pu figurer dans notre émission sur les reprises, puisqu'elle est même la reprise d'une reprise. Oh, mais c'est méta, tout. C'est quoi une inception, méta. Ça, en tout cas. Inception. Je m'explique. En 94, sort un album hommage aux Carpenters, et Sonic Youth, un des groupes américains les plus importants de ces merveilleuses années 80-90, y va de sa petite chanson. Alors, Superstar, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle avait déjà été chantée par Delaney, Bonnie and Friends, avant. Donc, du coup, les Carpenters l'ont repris. Mm-hmm. Et ensuite, les Sonic Youth l'ont repris sur un album de reprise des Carpenters. C'est compliqué, ton truc. Vous comprenez, ouais. Vous repasserez ça au ralenti chez vous et vous comprendrez. C'est pas étonnant de voir Thurston Moore, hein, le leader de Sonic Youth, se lancer dans ce genre de reprise, lui qui a expérimenté à peu près toute sa carrière. Avec des groupes comme Husker Du ou les Pixies, Sonic Youth c'est un espèce d'ovni qui va être mondialement connu avec le grunge. Alors en fait, c'est assez réducteur, hein, de réduire Sonic Youth juste à ça, mais l'effet Nirvana, ils vont avoir tellement de succès Nirvana en 91-92 avec Nevermind, que le grand public va vachement s'intéresser à toutes leurs influences. Alors après, évidemment, pour ceux qui s'intéressent, pour les amateurs de musique, c'était déjà un groupe culte, hein, grâce à pas mal d'albums assez fous. Je vous fais un petit name dropping. Vas-y, name drop. Daydream Nation, Goo, Sonic Youth, hein, leur album éponyme, le premier, Confusion Is Sept ou Sister, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler d'ici peu. Maintenant, je propose une autre chanson, c'est ça? Ouais, exactement. Alors, genre, ouais, on va s'écouter. Bah, celui-là, c'est le Stop the Rock by Apollo 440. Enfin, Apollo 440. Et voilà. On s'écoute ça tout de suite. Ouais. Ça, c'est du lancement. Rock like a lemon. I'll Alors, celui-là, c'était Stop the Rock by Apollo 440. 440, je crois. Ouais, 440, je pense que c'est en anglais, il faut ils dire. Parce Apollo que... 440. Ouais, Apollo 440. Donc, la première fois que j'ai entendu une chanson, c'était quand. C'était en 2001, quand j'étais en train de jouer au FIFA. J'avais 10 ans, moi, en 2001. Et toi, Louis ? Moi, j'avais 6 ans, moi, je savais pas que FIFA existait. En 2001, j'avais 15 ans. 15 ans. Donc, ouais, j'étais en train de jouer FIFA et c'était le premier FIFA depuis un moment où ils ont changé tous les graphiques et tout, donc c'était formidable le graphisme. Et du coup, les chansons, c'était cool. Mais à part de ça, il y avait Robbie Williams dans FIFA 2001. Ah merde, ça a bien changé. Il a joué pour Port Vale et dans le jeu et aussi était dans le vidéo pour l'intro et la musique, c'était celui-là avec. Donc c'était l'intro de... Avec Robbie Williams. Non, c'était super. Ça donne envie quand tu étais là. On attend de jouer de jeux vidéo et ça met dans le bon ambiance. Quoi. Moi, je connaissais le groupe, mais sur un autre morceau, c'est Ain't Talking About Dub. Okay. Et en fait, parce qu'ils ont repris un riff de Van Halen. Lequel ? Je sais pas si vous connaissez. Ain't Talking About Love. Ah bah si, bah si. J'avais compris Ain't Talking About Dub. Alors oui, ça c'est le morceau repris par okay. Apollo 440. Ils ont repris du Van Halen et c'était trop bien. Et j'ai souvent ce morceau. C'est vrai que celui-là je le connaissais pas, à part quand je vais au Fox, bien sûr. Ouais, voilà. autant faire un peu de pub. Hein, voilà. Moi j'aime bien faire des coups. Ouais. Et donc c'est à moi. Bon bah sans transition, on va s'écouter Santigold, hein, Disparate Youth. Putain, mon anglais il est nul. Disparate Youth. Ah mais c'est dur à dire aussi. Donc on s'écoute ça tout de suite. Voilà, pas de chichi, on y va direct, c'est parti. ça fait plaisir un peu de Santigold, ça fait un moment que je voulais mettre. Est-ce que vous... Alors, toi, Luc, tu connaissais au final? Bah oui, oui, parce que par non, non, mais. La chanson que j'ai écoutée là, c'est... ouais, je connais vite. Toi, tu connaissais pas, mais... Si, parce que je les ai vus en concert au Vieille Charrue. C'est vrai? Et ouais, hop mais là, merde, je lâche une bombe. Rien, moi, ça fait chier. Voilà. Donc, c'est une artiste assez atypique, hein, Santi White de son vrai nom. Et donc, son univers musical, c'est assez varié. Hein. Électro, du dub, du reggae, du hip-hop, de la dance et tout. Moi, j'aime bien ces albums. Donc, j'ai pas écouté le dernier, hein, mais les deux premiers. Alors, c'est un album éponyme, ça s'appelle Santi Gold, et un autre, c'est Make Believe, quelque chose, je sais plus. C'est très préparé. Voilà. les deux premiers albums sont vraiment, vraiment, vraiment très cool, quoi. Et donc, moi, je la connaissais du temps, elle s'appelait pas Santi Gold, elle s'appelait Santogold. Santogold. Santogold. Ils ont changé un lettre. Elle s'appelle Santigold. Maintenant, elle s'appelle. Enfin, et avant, elle s'appelait Santogold parce qu'elle a dû changer de nom parce qu'il y a un autre Santogold qui réclamait la paternité du nom. Et le vrai Santogold, c'est un réalisateur d'un film de 1985, Santogold Blood Circus, que tout le monde a vu ici, hein, c'est ça? Non, vous avez jamais vu ce film? Ah bah, tous les soirs, je le regarde. C'est un magnifique film de science-fiction dans le monde du catch. Voilà, dans donc ça a l'air très catch. Intéressant. Il y a des catcheurs américains et de la science-fiction et du catch. Mais non, mélanger ça dans les deux. Mais ouais, ça a l'air la même génial. Phrase. Mais moi j'ai trop regardé ça ce soir, ça va être trop bien. On va regarder La Beltringue avec Vincent Lagaffe. Et on doit déjà regarder le film de porno japonais. Oui, c'est vrai. Ah oui, oui. Ah, on a plein à regarder après. Je pense que ton whisky va être bien après. Très bien. Et bon, alors voilà, blague à part, ce Santogold, il a pas aimé qu'on lui pique son nom. Et pour protester contre la vraie chanteuse qui s'appelle Santigold maintenant, il a fait un album. Ah ouais, bah oui, il faut faire un album. C'est très américain. Elle est américaine. Ouais, c'est américain, ouais. C'est très américain de faire content. Genre un album en Il a décidé de faire un album, il est pas content, ça s'appelle The Real Santogold. Juste comme ça, quoi. C'est moi, le real. Ouais. Et j'ai un extrait. Vous voulez l'écouter? Non. Oui. I'm the real Santogold. I'm the real Santogold. I'm the real Santogold. Oh, d'accord. Vraiment, il va aussi loin que ça pour dire. Voilà, c'est tout. J'avais pas grand chose à dire, mais écoutez, c'est vraiment très très bien. Noé, à toi. Moi, je vais partir sur quelque chose d'un peu plus sérieux, d'un peu plus viscéral. Oui, on va parler de l'insatiable Jack White avec un de ses side projects les plus connus, The Raconteurs. Vous connaissez tous Steady As She Goes. Steady As She Goes. Et ben là, on va s'écouter, pas ça du tout, on va s'écouter Blue Vein. Ouais, je suis déçu. On s'écoute ça tout de suite. Vous avez vu la série Peaky Blinders? Non, oui. C'est nul. Non, c'est non, pas c'est nul. Génial. Oh, non. Non. Avec Cillian Murphy. Par contre, les experts. Ferme là, Peaky Blinders, c'est vraiment une des meilleures séries. Moi, c'est vraiment la série que je préfère en ce moment. Quoi. C'est juste dingue. Cillian Murphy, il est vachement mieux que dans Batman. Et déjà que dans Batman, il était bien. C'est vrai. J'ai un peu écouté les raconteurs, c'est comme tout le monde après la tectonique, tu sais, cette période post-tectonique. T'as connu la tectonique? Mais non, c'est tu sais, c'est des trucs typiques français. Neiges, puis ils faisaient des trucs comme ça, Non, il n'y a pas eu ça en Angleterre, c'était genre en Belgique, en Italie et en France. On te montrera une vidéo. Ah, ok. C'est okay. Très drôle. J'étais passé à côté de cette chanson. Moi, j'écoutais Steady as She Goes comme tout le monde. Hein. Bah ouais, moi Steady aussi. As She Goes. Comme des bons moutons, quoi. Voilà. Dans Peaky Blinders, la chanson qu'on vient d'écouter là, elle est jouée en fait dans une scène, gros spoil, où Thomas Shelby, hein, le héros, va se battre dans un camp de gitans. Et en fait, il y a une espèce de violence qui est assez magnifiée par cette chanson. C'est assez bizarre à dire, mais regardez cette scène, elle est disponible sur YouTube. Elle est incroyable quoi. Thomas Shelby fight Gypsy Gang, vous mettez, vous avez trouvé. j'ai l'impression, je suis sûr, il a mis un effet sur la batterie et sur la guitare. Ça s'appelle le reverse tape. En gros, les notes sont jouées à l'envers. Et c'est ce qui donne cet effet un petit peu bizarre. Quelle idée saugrenue, hein, vous allez me dire. Mais c'est assez courant. Quelle idée saugrenue. Mais c'est assez courant en fait. Et c'est plus une idée qu'on pourrait penser. Hendrix par exemple, qui utilisait pas mal cet effet. Ou les Beatles sur I'm Only Sleeping. Ouais. Je crois que le Prodigy a utilisé aussi. Ou alors dans Strawberry Field Forever, cet effet-là aussi est utilisé. En tout cas, le nom de l'effet est super cool. Hein. Ça s'appelle la cassette à l'envers en français. C'est stylé. Casquette à l'envers. Casquette à l'envers. Bravo. Oh putain. Sur cette bonne blague, non, je te laisse. C'est à Luc de continuer. Ah, c'est à moi. Ouais. Donc on est à la 8ème chanson. Ouais, okay. Donc c'est le Pixies. Ouais. J'ai le groupe que j'ai suivi depuis que j'étais très jeune. J'étais en concert à Dublin pour les voir, mais celui-là c'est Caribou de Pixies. On s'écoute ça dessus. Ouais. Caribou. c'est le Pixies qui vient de Massachusetts, Boston, en États-Unis. Et du coup, je les connais depuis que je me souviens, le rock presque. C'était un cousin qui m'a fait le premier album que j'ai eu. Et du coup, il y a 10 ans, il y a 12 ans peut-être, je les ai voir. 12 ans, t'avais quel âge? 16. 16. 16. Oh. Ouais, il y a 12 ans, j'en avais 8. Ouais, il y a 12 ans, j'avais. Je les ai vus dans l'ancien stade à Dublin. Ah. Maintenant, il est changé pour la Viva, pour le sport, mais Lansdowne Road, c'était Pixies et aussi Kings of Leon à côté. Ah, oh, trop bien. Ouais, tous les deux, ouais, c'était super, super. Kings of Leon. Et ouais, je me souviens pas de tout, mais c'était super amusant. On a été là toute la soirée, donc c'était assez lent comme soirée, mais. C'était très très très, très oh, bien. Ça devait être un concert de fou. Et ouais, voilà, c'est des Pixies qui sont assez connus dans tout le monde, c'est global maintenant, bah, tout le monde doit connaître. Bah, c'est et surtout c'est après mainstream. le film Fight Club. Ah oui, oui, oui c'est fin, clair. Il y a ouais, Where's ouais. My Mind ouais, c'est qui clair. A vraiment, je pense, fait connaître les Pixies à tout le monde. Mais c'est vrai que c'est un groupe incroyable. Vraiment ouais. Un groupe incroyable. Ouais, qui ne s'arrête qui, pas qu'à Where's My qui Mind. Qui était censé finir en plus il y a 5-6 ans, tout comme ça, mais au bout d'un moment, ils ont dit. Même il faut faire la bonne musique pour les gens. L'ancienne bassiste aussi, elle a fait des albums solo. Bah elle est partie, Kim Deal d'ailleurs. Kim Deal, ouais. Et ouais. Ils l'ont remplacée par une autre fille maintenant. Mais Kim Deal, c'est pas elle qui a fait The Breeders après ? Si ? Si, bah voilà, ok. Avec Cannonball. Cannonball, parfait. Bon, bah alléluia, parce qu'on va enfin passer un peu de Britpop dans cette émission. Ah, je croyais que on a écouté du Jeff Buckley quand t'as dit alléluia. Ah non, sache que c'est ma chanson que je déteste le plus de Jeff Buckley, alléluia quoi. Alors que New Year's Eve est bien mieux. Bref, avec le morceau que j'ai choisi, on est un petit peu moins dans la Britpop, mais c'est pas grave, on va s'écouter Mary, hein, tiré du troisième album éponyme de Ty Segall. De Supergrass. Ah, pardon. Supergrass, bien sûr, et on s'écoute ça tout de suite. C'est pas beau ça? Oh, ouais, c'était génial. C'était génial. C'était génial. Hein. Bah, ça fait longtemps que j'ai pas écouté Supergrass. On ne mentionnera pas la Pause Club qui a été faite entre temps. Voilà, donc Supergrass, c'est un groupe incontournable de la scène Britpop anglaise. Alors, ah, même un des meilleurs groupes anglais. Alors, moi j'ai l'impression que Supergrass, ils ont toujours été dans l'ombre de Blur, Oasis. Alors, ouais. Oui. Tout à oui, fait. Parce qu'il y avait vraiment plus le battage médiatique. Voilà. Et puis ils sont arrivés un peu après. Je crois que c'est 95, avec Shulk Coco. Ouais. En 95, c'était déjà la grosse hype Oasis partout. Quoi. Ouais. Alors, petite question d'ailleurs, Luc. Attention. Si tu réponds mal, on va devoir arrêter l'émission. Ah oh, non. Attention. Tu es plutôt maintenant, Blur. J'y perds. Tu es plutôt Blur ou Oasis? Je dois dire Oasis. Ah, parce que moi j'adore Oasis aussi, ouais, je peux pas dire. C'est bah, juste, ouais, non mais comme avec une autre chanson, là derrière, j'ai écouté beaucoup de musique avec mon cousin à moi, que j'ai passé beaucoup de temps avec. Du coup, pour lui, c'était Oasis. Après, il aimait Blur aussi, c'est juste, voilà, il était à fond sur Oasis, donc moi aussi. Bah écoute, on va devoir arrêter. C'est plus Lad Oasis aussi. C'est la Ladness que. Non, mais Oasis, c'est bien, mais bon, voilà, hein, c'est au pas Blur. Donc, Supergrass, c'est des petits gars d'Oxford, hein, et quand ils ont sorti I Shoot Coco, c'était bon, déjà gros album, hein, franchement. Franchement, moi, c'est mon album préféré de Supergrass. Ouais, je gros carton. Énorme, énormissime. Et c'est la première fois que le premier album d'un groupe se vendait autant depuis Please Please Me des Beatles. Et après, il y a 5 ans de temps de record. On a eu les Arctic Monkeys. Oui, qui sont arrivés, c'est vrai. Avec Whatever People Say I Am, That's Why I Am Not, qui l'ont vendu plus que les Beatles la première c'est semaine. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais. Alors, j'ai pas grand chose à dire, hein, sinon que c'est un très bon groupe. Hein. Ah, aussi, si, ils ont sorti All Right, qui est paradoxalement la chanson la plus connue de Supergrass et celle que j'aime le moins, franchement. Bah, on écoutait les Pixies tout à l'heure, c'est un petit peu le Where Is My Mind de Supergrass. Mais c'est ouais, tout, on peut dire, mais ouais, c'est peut-être. Tout à fait ça. moi j'aime bien I quit. Celle que je fais I'm out. Quand j'ai cherché des petites informations sur Supergrass, j'ai cherché Supergrass Fun Fact, comme on le fait à chaque fois, bien sûr. Song Fact, Supergrass. Alors, on t'a pas donné les sites, mais nous, on va tout le temps sur un site qui s'appelle Song Facts. Okay. Comme ça, on a des petites informations et tout. On aurait dû te donner le site. Et du coup, ça peut m'aider, ouais. Mais quand j'ai fait des recherches sur Google, j'ai trouvé pas mal d'articles clickbait, comme on dit. Donc, pour faire venir les gens, et c'était... un article intitulé 5 choses incroyables que vous ignorez sur Gaz Coombs de Supergrass. Et qu'est-ce qu'on apprend dans cet article? Qui s'est fait pincer quand il était jeune parce qu'il avait de l'idée que cocaïne. Son signe astrologique est poisson. Ah oh. Vous vous coucherez moins bête. Voilà, Noé, c'est à toi. On va enchaîner avec un petit fait divers. Ah, parce que voilà. Un petit détective. Un petit détective. Ce genre d'histoire hein, qui fait un petit peu froid dans le dos. Nick Cave, ou plutôt Nick Cave. Avec Staggerly. Non, on dit à la française. Nick Cave. Ici, Nick Cave. Et Nick comme Cave. Dirait un petit conseil avant d'écouter la chanson, hein, comme dirait Vincent le dimanche après, ben, sur le parking de Cora, pendant ses petits rassemblements tuning, écoute la basse, mon con. Il dit ça exactement. C'est moi on qui s'écoute ça. Ça tout de suite. Enculé. It was back in 32 when times were hard. He had a Colt 45 and a deck of cards. Staggerly. He wore rag-drawn shoes and an old Stetson hat. Had a 2840, had payments on that. Staggerly. His woman threw him out on the ice and the snow, when she told him never ever come back no more. Staggerly. So he walked through the rain and he walked through the mud till he came to a place called the Bucket of Blood. Staggerly. He said, Mr. Motherfucker, you know who I am. And the barkeeper said, no, and I don't give a good goddamn to Staggerly. He said, well, bartender, it's a plain to see. I'm the bad motherfucker called Staggerly. Mr. Staggerly. Well, the barkeeper said, yeah, I heard your name down the way, and I kick motherfucking asses like you every day, Mr. Staggerly. Well, those were the last words that the barkeep said, 'cause Stag put four holes in his motherfucking head. Just then in came a broad called Nellie Brown, known to make more money than any bitch in town. She struts across the bar, hitching up her skirt over to Staggerly. She's starting to flirt. Oh, Staggerly. She saw the barkeep, said, oh God, he can't be dead. Stag said, well, just count the holes in the motherfucker's head. You ain't look like you're scored in quite a time. When I come to my bed, it won't cost you a dime, Mr. Staggerly. But there's something that I have to say before you begin. You have to be gone before my man Billy Dilly comes in, Mr. Staggerly. I'll stay here till Billy Dilly comes in, till time comes to pass. And furthermore, fuck Billy Dilly and his motherfucking ass, said Staggerly. I'm a bad motherfucker, don't you know? And I'll crawl over 50 good pussies just to get to one fat boy's asshole, said Staggerly. Just then Billy Dilly rolls in, he says, you must be the man motherfucker called Staggerly. I'm Staggerly. Yeah, I'm Staggerly. And you better get down on your knees and suck my dick, because if you don't, you're gonna be dead, said Staggerly. Well, Billy Billy dropped down and slobbered on his head, and Stig filled him full of lead. Oy. Il y a tellement de trucs à dire sur Nick Cave qu'on va parler pas de passe lui, à autre chose. Mais de Staggerly. Alors, attention, histoire très intéressante. Staggerly, c'était un proxénète de la fin du 19e siècle aux États-Unis. Un soir où il picole dans un bar avec son pote William Lyons, ils se mettent à parler politique. Lee, c'est un démocrate et William, c'est un républicain. C'est un petit peu dans l'actualité, du coup. Non. Imaginez, Lee, c'est Hillary Clinton et William, c'est Donald Trump. Et la discussion s'envenime, hein, et Williams fait voler le chapeau de Staggerly, de Lee, il lui fait clac, lui tape dessus. Vous voyez pas à la radio, mais c'est il tape dessus. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait Staggerly, ce que tout le monde aurait fait, il sort son Colt et il tire dans l'abdomen de son pote. Bah oui, comme dans la vraie vie. On doit tout faire ça, ouais. Du coup, Williams meurt de ses blessures après cet incident. Et de cette histoire va naître une chanson qui sera publiée pour la première fois en 1911. Mais c'était un air un peu traditionnel. Du coup, apparemment, c'est quelques jours après que c'était publié dans les journaux que la chanson a été créée. Et depuis, plus de 400 artistes, vont reprendre le personnage de Staggerly et écrire des chansons différentes. Il est un peu considéré comme de Ultimate Badass. C'est écrit comme ça, hein, sur internet. Puisque la morale de l'histoire, s'il y a une morale dans cette histoire, c'est en anglais dans le texte, s'il vous plaît, don't take a pimp's hat. Voilà, c'est la morale de l'histoire. Ouais, ça. Et ok, bah, je vous vois, hein, vous voulez que je vous... J'ai rien compris, mais... Est-ce que t'as compris, toi? Don't take a pimp's hat. Yeah, ouais. Ouais, parce que en gros, ouais, il lui a ouais, fait voler c'est... son chapeau et ouais, du coup le mec ouais. l'a tué. Ouais. Et vu que c'était un proxénète. Un proxénète, c'est un pimp. Un... Ouais, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris, me regardez pas comme c'est ça, une leçon si à apprendre. J'ai dit que j'étais en anglais. Donc je vais vous faire une petite liste hein, des chansons sur Stag Lee. Alors il y a une chanson de Dr. John hein, qui s'appelle Stag Lee, parce qu'il a plusieurs noms. Hein. Stag Lee, Stag Lee ou Stag Lee. Il y a les Isley Brothers. Isley Brothers. These all odds of mine. Elle passe souvent en Frox. J'imagine. Avec Stag Lee, il y a aussi les Grateful Dead, hein, toujours avec Stag Lee. Sidney Bechet avec Stag Lee Blues. Sidney Bechet. Petite fleur. Oui, bah oui. Lot Price avec Stag Lee et bien sûr les Clash avec. Stag Lee. Non, avec Wrong Mboyo. Qui... Ah, avec Wrong Mboyo. Wrong Mboyo sur, c'est tiré de. D'accord. Sur London Calling qui part de Stag Lee. D'ailleurs, la chanson commence Stag Lee. What... Enfin bref. À noter que si vous passez par Melbourne, on sait jamais si vous vous trompez de chemin en rentrant chez vous un soir, vous pouvez déguster un délicieux café au Stag Lee's. C'est un café à Melbourne. Un peu comme si en France vous l'avez mangé finalement chez Mesrine. Chez Mérine. Ou en Angleterre c'est Jack the Rippers. Ou en Irlande chez Bono. Bien sûr. Ouais, ouais, c'est à toi, Luc. Alors, on va faire une autre chanson là. C'est The Infidels. C'est Can't Get Enough. Et celui-là, je mets souvent dans le bar parce que ça bouge assez beaucoup. Ça fait, voilà. Je confirme. Donc, on discute ça tout de suite. Scrap y'all down. I've had too much, not too much, but it was. Alors ouais, c'était Infidels, Kink et les Neufs. Et moi, je dois dire, ouais, j'adore qui bouge un peu au Fox, parce que souvent, on met la musique un peu mou pendant la journée et tout, et à la fin de la soirée, il y a souvent des gens qui viennent, genre des étudiants, des gens qui veulent sortir un peu pour finir leur week-end ou pour finir leur semaine et tout. Donc pour bouger un peu, celui-là, c'est vraiment pas mal. Et voilà, c'est... Je les connais pas très bien, ils ont sorti celui-là, je pense que c'était en 2006, donc c'est il y a assez longtemps, mais je connais les chansons depuis quelques mois, donc j'ai trouvé juste comme ça, et voilà. Ça me plaît beaucoup, et ça fait bouger les gens, je dois dire, au bar, c'est tout, bah, pas tout le monde, mais tu regardes sur les tables, des fois, il y en a des gens, bah, c'est quoi celui-là, c'est bien ça. Et on peut pas chasamer parce qu'il y a trop de monde. Voilà. Ah, c'est ouais, vrai, c'est vrai. Il faut mettre le portable juste sur la baffle en haut, ouais, dans la salle de derrière. Ouais. Ou il faut demander au barman. Ouais. Oui, il faut juste que je regarde sur l'iPod parce que je me souviens jamais les nombres d'artistes. Mais ouais, ça ressemble un peu à, tu sais, les premiers Prodigy, ce genre de truc. Moi, ça me fait penser à ça, vraiment. Ouais. Un truc de Bristol, un peu. Pas loin de le même style, ouais, c'est exactement ça. Bon, bah, c'est à moi, du coup, ouais. Ça fait un moment que je voulais mettre ce morceau, parce que je pense que c'est un de leurs meilleurs, hein. Seirenso. Ah, j'arrive pas à le dire. Vas-y, dis-le. Seirenso. Voilà. C'est tiré du préféré. Mon préféré de Weezer. Ouais. On en reparlera. C'est trop bien. C'est tiré du premier... Moi, je pense que Only in Dreams est meilleur. Ouais. Teenage Dirtbag, par exemple. Oh non, Teenage Dirtbag, baby. Non, mais qu'est-ce que tu viens de bah faire? Si, bah, moi j'aime bien les chansons où on peut genre chanter avec. celui-là, c'est Edenso, tu peux même pas chanter et t'es là en train de dormir. Mais j'adore quand même, bien sûr. C'est pas ça, c'est juste, voilà. Je suis un peu plus showman, si tu veux. On va débriefer ça pendant le morceau. Donc on va s'écouter Say It and So, de The Blue Album. On s'écoute ça tout de suite. De Weezer, bien sûr. Somebody's hiding, it's drowning my Donc ce morceau, c'est peut-être le meilleur du premier album de Weezer, je sais pas. Moi j'aime beaucoup Only in Dreams, c'est peut-être ma préférée de l'album. Oh, non mais cette chanson est incroyable, c'est In Enso, elle est trop bien quoi. Mais ouais, mais bon voilà, Only elle est Dreams, où pourquoi là-bas, on a pas mis celui-là d'ailleurs. parce que je l'ai entendu la dernière fois aussi. Bon bref. Mais Only in Dreams, ça dure 7 minutes, puis c'est trop long quoi. Ouais. Enfin bref. On a déjà parlé de Weezer, donc je vais pas m'apesantir. C'est une des meilleures des 100 meilleures chansons selon Rolling Stone. Tu dis m'apesantir. Oui. Rien dire me pesantir. Si, ça veut dire passer du temps, trop de temps là-dessus, ça sert à rien. Ok, ok, je connais pas. Écoute, bah, je sais pas, ouvrir un dictionnaire quoi. My bad. Le thesaurus aussi. Voilà. Donc, c'est pas une chanson joyeuse, hein, c'est même tout l'inverse parce que beaucoup de fans la considèrent comme une chanson émo. C'est considéré comme une chanson émo. C'est ah ouais. Ouais, mais ça ne reste pas moins une chanson. Tu veux dire émo, genre. Émo, genre, ouais. Ouais, comme ça, voilà. Ouais. Ça ne reste pas moins une chanson. En plus, on a tous les cheveux assez longs pour le faire, c'est très bien. Ouais, tu préfères ça, ouais. tu vas couper ton t-shirt avec un ciseau. Ah, non, ou sinon, j'ai juste peur, c'est comme ça. Alors là, j'ai plombé l'ambiance. Mais... C'est un émo-shirt. Ouais, je peux parler ou quoi, mais merde, quoi, je peux parler. Ah ouais, on te laisse nous dire. En fait, c'est pas une chanson facile pour le chanteur parce qu'il dresse un parallèle entre son alcoolisme à lui et comment l'alcoolisme de son père a détruit sa famille. De son beau-père. Alors, de son père et après son beau-père. Qui dit like alors, father, base, step father. Ouais, mais il y a aussi une histoire avec son père et c'est parce que et son père. Il y a eu un problème avec les deux alors. Un problème avec l'alcool et dur. Il est parti quand il avait 4. Ouais, pas facile. Désolé pour l'ambiance, mais bon, voilà. Je peux pas m'empêcher d'être mitigé sur ce groupe et là on va avoir du débat parce que je veux du débat. Les deux premiers albums, je pense qu'ils sont parfaits, presque parfaits. Enfin, ils sont. C'est quoi le nom des deux premiers albums? Alors, le premier c'est l'album Bleu. Ce ouais. album, ouais. Et le deuxième c'est Pinkerton. Ok, ok. Voilà. Donc ils sont parfaits. Le troisième, l'album Vert. Ouais, il est pas mal. Non, je mais trouve c'est que plus commercial. Je trouve que c'est un album ouais. facile. Mais ils ont avec dû adapter un peu, quoi. Avec c'est... Island in the Sun et tout, tout le monde ouais. a connu ça. Voilà. Par contre, tout ce qu'il y a eu après, j'ai eu beaucoup de mal. Make Believe, l'album Rouge. Non, l'album de Lost aussi. Là, Ratitude. Ratitude, c'était le pire album. Après Bleu et Vert et. On veut dire le rose. Rouge était pas trop mal. Mais non, l'album avec Hurley dessus, c'est Hurley. C'est Hurley. Était pas trop mal. Ils ont fait un truc aussi. C'était pas trop mal. Non, je reprenais plaisir. Et donc moi, comme j'ai dit, c'est un peu mon plaisir coupable, c'est parce que pourquoi quand, coupable. Parce que quand on parle de gens, enfin de Weezer aux gens, ils disent ah ouais, Island in the Sun. Mais est-ce que Island in the Sun ne serait pas voilà. Il faut pas oublier celui-là. Ah, exactement. Et voilà, donc on pense tout de suite à Island in the Sun et tout, mais pour moi, le vrai Weezer, c'est dans les premiers albums. Ouais. Excuse-moi, mais pour conclure. Island in the Sun ne serait pas le Where is my mind de Weezer. C'est un petit peu ça. Je pense qu'on a trouvé un truc pour tous les artistes. Ouais, le Where is my mind de ces artistes. Puisque tu parles, bah, c'est à toi. Alors moi, c'est ma dernière chanson. Hein, déjà, oui, je sais, vous dites... Oh là là, là là. C'est Twin Peaks. What a wonderful band, comme disent nos amis anglais. Twin Peaks avec Holding Roses en live. On s'écoute ça tout de suite. J'ai pris volontairement une version live, hein, parce que étrangement le mixage de l'album dans lequel, duquel la chanson est issue, il est assez bizarre. Twin Peaks, vous voulez que je parle de Twin Peaks? Non mais on en a déjà parlé dans une ancienne émission, on a mis Making Breakfast. Tu te souviens, Vincent? Watch out, but don't let it get you down. Enfin bref, c'est en live que les chansons elles prennent véritablement tout leur sens. Hein. Elles sont vachement plus punchy. Sur l'album, c'est un peu chiant, un peu. Enfin, personnellement, je trouve que la différence est énorme. Si vous connaissez pas Twin Peaks, hein, foncez écouter Wild Onion. Ouais. Wild Onion, leur deuxième album qui est juste dingue. En fait, ce qui est sympa avec eux, je vais me répéter pour ceux qui n'ont pas entendu, mais. C'est que chaque membre du groupe compose ses propres chansons et il est juste dans le groupe. Alors qu'en ce moment, c'est plus à l'heure du side project, tu vois. Ouais, mon chanteur, il a un side project, machin. Dans Twin Peaks, ils mettent tout en commun et ils font vraiment des chansons énormes. C'est un groupe américain, si ce n'est le groupe américain le plus énorme du moment. Ça fait penser un peu aux Rolling Stones, vous irez écouter Wanted You. Cause I wanted you. Et quand ils ont fait énorme, et ça ressemble vraiment aux Rolling Stones, The Tumbling Dice. Back. C'était bien ça. C'est pas le même groupe. C'est le même reprise. Donc du coup j'arrête de parler, c'est à toi. Donc là j'ai ma dernière chanson Over and Over de Hot Chip. On s'écoute ça tout de suite. Under and under and under and under. C'était Over and Over de Infidels. Donc moi, maintenant, je vais parler un tout petit peu en anglais. Vas-y, c'est ton moment. It's going to be much easier now. I don't have to think about what I have to say or translate in my head or anything. So. Mais bien dans le micro. It's harder for us. I can imagine. So, Hot Chip, I've known for a very long time. I'm pretty sure they're a band, or they're a group since the year 2000. Yeah. I'm almost sure. And just over the years, I've heard a lot of the tunes, but I've also seen them live twice. I've seen them live in Dublin and also in Cork. And they weren't very big concerts, but I can tell you for one thing that the concerts went very, very well. Both concerts were full and everybody was dancing, and they just really know how to get people moving. So they have a lot of different, like we were talking about earlier, they have mashups. Yeah. And they have loads of different good tunes, and they mix certain songs they have that are reprises, which are covers as well. So I really like them, Hot Chip. They're very good, and I'm pretty sure they're from London as well. So yeah, I kind of stuck to a little kind of English side tonight. Yeah, a few English bands or whatever, and one American, but I kept to the English just to have my own little caricature, etc. no, that was good. On continue en anglais. I only know Where Hot Chip. I also, that's on my playlist in Fox as well. I actually really like Hot Chip, so I have like two or three of their songs. Yeah, Into the Light, and there's another one called that's Over and Over, and there's another one called, I can't remember exactly what it's called now actually, but it's also very good. So you should check them out. They're really, really good. Donc pour les amis non anglophones. C'est très bien, ça fait bouger les gens en concert. Tu l'as vu deux fois. Voilà. À Dublin, à Cork. Ouais, voilà. J'ai l'impression de faire une compréhension orale. Et j'ai acheté du. Et ils font des mashups un ou deux reprises. Et aussi, si vous trouvez l'album de Fabric Live. Fabric, maintenant, c'est une boîte à Londres qui est fermée à cause de plusieurs problèmes. Ouais. Et du coup, si vous pouvez télécharger l'album de celui-là, c'est un des meilleurs. Ouais. Très bien. Il nous reste plus qu'un morceau, mais avant ça, on va dire que c'est déjà la fin de l'émission. On est à combien de temps, je regarde. On est un petit peu dépassé, je pense, parce qu'on a fait une pause, mais bon. Merci aux auditeurs qui nous écoutent, hein. Quelle abnégation. Ouais. Merci pour vous m'inviter aussi. Mais non, surtout merci Luc de nous avoir accompagnés. C'était un plaisir, absolument. Est-ce que ça t'a plu? C'était pas trop dur? Non. Bah, au début, oui. J'avais le petit cœur qui était un petit peu, mais là, ça va. Je commence à m'habituer à la discussion, que c'est plus à l'aise et tout. Mais tu reviendras dans la vie. Ça me fait vraiment plaisir, ouais. Bien sûr. En ce qui concerne les prochaines émissions, Noé, où est-ce qu'on en est? Parce qu'on est un peu perdu, je pense. Alors, soit on part sur le plagiat, soit on part pour les États-Unis. Alors, lâcher un max de pouces bleus pour. Je pense qu'on va. J'aimerais bien faire les plagiats quand même. Okay. Si ça demande beaucoup de boulot. Je pense qu'on va partir sur les plagiats pour voilà. Petit clin d'œil à toi, Cornelius. Donc, où est-ce qu'on nous retrouve, mon cher Noé? On nous retrouve sur PodCloud. Ouais, on s'écoute ça tout de suite pour un podcloud.fr. Et on nous retrouve sur Twitter. At on s'écoute ça, onsecouteca. On s'écoute ça. Voilà. Et on nous retrouve tous les dimanches matin. Non, on nous retrouve sur Facebook aussi. On nous retrouve sur Facebook à facebook.com/on s'écoute ça tout de suite. Et tous les dimanches matin au bar Le Balto. Non, tous les dimanches soir au bar Le Fox. Ah ouais, je voulais dire, et souvent 2-3 soirées par semaine au toi, Fox. Toi, où est-ce qu'on te retrouve si t'as jamais, je sais pas, peut-être un Twitter ou un blog ou je sais pas. Moi, ou... non, bah. Non, t'as rien bah, du tout. Bah, si, bah sur Facebook. Ouais, après, mais c'est j'ai jamais eu un coup sur Twitter, mais bon. Ouais, voilà. Bon, bah ouais. Bah, je suis toujours au Fox, tu vas sans vous. Bah, allez voir. Si vous voyez quelqu'un qui danse au comptoir et tout, c'est lui. Ouais, c'est lui, moi. Sur des hot chips. Et je chante des fois aussi. Petit karaoke. Et demander un russe blanc. voilà. On termine avec le dernier morceau. Bon, je vais pas être très original parce que j'ai choisi Nirvana. Le complexe. Mais c'est pas franchement original, le Nirvana. Et pourquoi j'ai décidé d'en parler? C'est parce que ce morceau, On a Plane, je le trouve cool déjà. C'est pas un morceau qu'on entend souvent de Nirvana. Mais surtout parce que l'album en question, c'est un super album, Nevermind. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il vient samedi dernier, le 24. Il a fêté ses 25 ans tout pile. D'ailleurs, il y a eu pas mal de photos avec le petit bébé qui est sur Nevermind qui disait « Ah, j'ai 25 ans aujourd'hui ». On se rappelle de cette pochette iconique du bébé dans une tout nu derrière un billet. Comme voilà, tout. En train de lâcher derrière un billet. Mais justement, en fait, à la base, j'ai une petite anecdote là-dessus. Hein. Enfin, oui, tant qu'à faire. Les parents du bébé en question ont eu un appel d'un photographe du coin demandant d'emprunter le bébé pour une séance photo pour Nirvana. Et ça s'est passé en 15 secondes. En gros, ils ont plongé le bébé dans la piscine, ils ont pris la photo et ils ont sorti le bébé. Ah ouais, voilà. D'accord. Et les parents ont gagné $200. Hein. Bon, ça leur a fait leur argent de poche. Quoi. Maintenant, le bambin en question, il a 25 ans. Voilà. Et cette situation d'icône du rock lui plaît. Hein. On peut le dire sur son compte Twitter. Je vais profiter d'avoir cette fin d'émission pour dire ça. Le premier tweet, c'est « Je suis une icône du grunge ». Voilà. Le second tweet, « Je suis le bébé avec le sexe à l'air ». Troisième tweet, tout le monde a vu mon sexe et on vous dit au revoir, je termine sur ça. Au revoir. Au revoir. Au revoir.